Cette semaine, à Assemblage requis. On parle de la programmation du Grand Prix de Trois-Rivières. Stéphanie nous parle de ses coups de cœur dans sa chronique Ton plat favori. Et de la visite surprise au téléphone. C'est qui ça? Assemblage requis, jeudi 15h au samedi 16h.